Chapitre 66e. La boîte à cigares. La blessure du colonel n'était pas grave, mais seulement très douloureuse. Le docteur Robert Montreuil, qui le soignait, le pansa avec les soins les plus affectueux. C'était le docteur Montreuil qui, on se doute de la raison, avait lui-même pris soin de flamber les épées. Il n'y avait donc rien à craindre d'autre que les suites habituelles d'un coup d'épée. Dans la soirée, la fièvre se déclara. « Ça tombe mal, » dit le colonel à ses amis qui le veillaient. « J'ai reçu convocation pour les essais du DR qui doivent se faire demain officiellement devant le ministre de la guerre. » Pour la Broquet, quand, après l'absorption d'une poisson calmante, le colonel dormait, dit aux amis « Et voilà le mot de l'énigme. Demain commencent les essais officiels du DR. Le colonel blessé ne pourra y assister. Il sera forcé de charger un de ses collègues de le remplacer. Cet officier, moins prévenu, moins prudent que notre malheureux ami, sera une proie plus facile pour la bande des aides. » Oui. Dit le capitaine de la Rochardie, mais vous êtes là. Et c'est maintenant à Paulin Broquet qu'incombe le soin de veiller sur la plus belle partie de ce qui fait la garantie et la force de la patrie française. Le lendemain, en effet, dans une sorte de casemate, de fortin, élevé depuis quelques jours par le génie, on transportait des canons Rimailo au champ d'essai de Satori. Ces canons étaient munis du nouveau détonateur DR. Quoique très souffrant, le colonel avait tenu à paraître sur le champ d'expérience. On le transporta sur une civière et on le déposa dans la casemate. En plus de son ordonnance, le colonel de Fongrive avait avec lui un sapeur artificier hors cadre en qui il avait toute confiance et qu'il chargeait de ses documents. Ce sapeur artificier était Paulin Broquet, qui, sous ce titre et sous la responsabilité du colonel, put avoir accès dans la casemate. Nul, en dehors des personnages officiels, ne pouvait pénétrer dans cette casemate que protégeaient de hautes palissades un fossé et un enchevêtrement de fils de fer barbelés. En dehors, outre le cordon d'artillerie de garde, les plantons, se trouvaient des hommes de la brigade de Paulin Broquet. Au-delà des lignes du camp, éparpillés, se tenaient les gens que nous connaissons, la bande des aides à l'affût, les étrangers sous des déguisements de touristes anglais, trahis par leurs nuques carrées et plates de teutons, puis, tels des chat-tigres en quête dans la jungle, des Japonais. Tout ce monde opérait à grand renfort de lunettes. Mais jusqu'à présent, personne ne pouvait saisir autre chose que le résultat. Entendre la rapidité des coups, voir les projectiles arriver comme grêles sur les buttes. Et les plus jaloux, les plus envieux, devaient avec anxiété, avec angoisse, constater les merveilleux effets de cet engin, pour une fois, par extraordinaire en France, si précieusement gardé en secret. Étendu sur la litière, brûlant de fièvre, le colonel de Fongrive donnait au ministre de la guerre tous les renseignements qu'il désirait, expliquait le mécanisme, démontrait les surprenants avantages et fournissait la preuve de la supériorité que le DR, le détonateur Rimailo, donnait à l'artillerie française sur toutes les artilleries du monde. Parfois, après les remerciements du ministre, ses compliments, après le sourire obligatoire, la figure du colonel se crispait, s'attristait. Ce n'était pas sa souffrance, sa blessure qui l'assombrissait ainsi. Ce n'était pas la fièvre qu'il cherchait à vaincre, à dominer, c'était un souvenir cher qui, entre les tonnerres, venait l'effleurer. C'était une image douce et rieuse qui passait dans le léger nuage de fumée claire. Et machinalement, d'instinct, par une tendre habitude, ses yeux se tournaient vers la butte verte qu'il voyait d'ici, la butte sur laquelle, autrefois, sous un gai parasol, sur sa chaise de toile, l'attendait celle qui avait avec elle emporté le rayonnement de la vie de ce savant, de ce brave, la joie de ce pauvre cœur ayant tard fleuri et dont la floraison, comme celle des automnes, n'avait pu durer que peu de jours. Triste fut le retour dans la voiture qu'il avait amenée, triste, plus encore là, où il sentit combien manquait la présence blonde de Madame Garitsa. D'autant plus triste qu'il devait sembler voir dans les yeux d'un des touristes, à l'affût autour du camp, les lueurs vertes de son adversaire, la lueur des yeux de tigre de celui qui avait été le bourreau impitoyable de la bien-aimée. Le colonel ne se trompait pas, c'était bien lui, lui et toute sa bande. Il cherchait l'occasion, attendait le moment, guettait la minute où l'on pourrait fondre sur la redoute, pénétrer dans la casemate et s'emparer de ce qui faisait l'objet des convoitises de tant de gens. Le colonel de Fongrive avait dû remettre au commandant Girard, son collaborateur, tous ses dossiers, pour le cas où, trop faible, il ne pourrait, lui, sinon assister aux expériences, du moins donner les explications nécessaires. Ces documents formaient un paquet volumineux enfermé dans une énorme sacoche de gros cuir que gardaient les deux sapeurs. Mais cette précaution ne semblait pas suffisante à Paulin Broquet. De connivence avec le colonel de Fongrive, mais sans en rien dire encore au commandant Girard, il avait mis précieusement dans la sacoche de cuir, après les expériences, non les vrais documents, mais les vieux, qui déjà avaient, avec Madame Garitza, joué le rôle que nous connaissons. Quant aux vrais documents, il les portait dans une vaste poche de toile imperméable, dont il s'était fait, sous sa vareuse, une sorte de gilet. Et c'est lui qui gardait ce secret dont dépendait la gloire de l'artillerie française et la tranquillité du pays, qui imposait le respect forcé à ceux dont la vaillance ne se manifeste que quand ils sont les plus nombreux et se croient les plus forts. Puis, il laissa aller son collègue sapeur porté à l'école d'artillerie, dans le bureau du commandant Girard, la sacoche de cuir. Lui, une heure plus tard, il s'en allait, pipe au bec, avec quatre autres artilleurs bien connus de lui, faisant partie de sa brigade en d'autres temps, porter ailleurs, par un autre chemin, les vrais documents et les mettre en lieu sûr. Cette heure avait été nécessaire à Paulin Broquet pour aménager encore quelque chose qui devait seconder les plantons et aussi bien que les fils de fer, protéger les pièces d'artillerie munies du détonateur DR. Ces pièces étaient énormes et leur installation avait demandé beaucoup de temps et de travail. On ne pouvait les enlever de là, les rentrer tous les soirs au camp ou dans une des casernes de Versailles. Il fallait les laisser sur le terrain d'expérience et les confier à la garde, au dévouement des servants, des hommes de la batterie, des officiers qui les étudiaient. Cela faisait beaucoup de monde, et dans les postes les mieux gardés, il y a toujours, pour les hardis, un point par où l'on peut entrer. Or, Paulin Broquet avait imaginé un appareil bien simple, qui s'appliquait sur la pièce en étude, à la place même qu'occupait le DR. Le DR, comme dispensera de décrire ici, on sait pourquoi, n'était guère plus gros qu'une boîte à cigares. C'était un appareil en acier qui se plaçait sur la culasse et fonctionnait dès qu'il le fallait sur une simple pression. Paulin Broquet avait fabriqué avec des boîtes d'acier de même aspect des machines de protection merveilleuses. Elles s'appliquaient comme le DR au même endroit et en donnaient l'aspect extérieur absolu, mais elles contenaient une cartouche de dynamite. Dès qu'on touchait à cette boîte, dès qu'on voulait l'arracher de la pièce où elle était posée, un déclic provoquait l'explosion de la cartouche et devait faire sauter celui qui s'y attaquait. Quant aux vrais DR, ils étaient roulés dans de vieux linges gras et placés au fond des caisses à gargousses, où personne ne pouvait soupçonner leur présence, puis emportés avec des caisses dans des prolonges et enfermés précieusement dans un des parcs de Versailles. Toutes les précautions étaient donc bien prises, et ce n'était apparemment pas encore ce soir que le secret du DR devait passer à l'étranger. Cependant, la bande des aides avait longuement, minutieusement étudié le moyen de s'emparer du DR. Il sembla à Zygomar que s'attaquer au camp lui-même, à la casemate bien gardée, était non seulement imprudent, mais d'un résultat douteux. « Nous n'avons pas besoin, dit-il à ses lieutenants, au cours de la journée, d'avoir le DR lui-même. La masse de fer qui le constitue, en somme, ne nous intéresse pas. Ce qui est important, ce qui est plus facilement négociable, ce sont les papiers, les documents qui le concernent. De plus, il est probable que l'on n'a pas laissé sur le champ d'expérience le DR au complet. On a dû en enlever une des parties essentielles. Nous irons donc courir grand risque pour une chose incomplète et à peu près inutilisable, tandis que les documents, les plans, les études, les procès-verbaux d'essai sont complets, facilement transportables et d'une négociation des plus faciles. Donc c'est encore les documents, comme nous l'avons déjà fait, que nous devons chercher à prendre. Naturellement, Zygomar ne fut pas sans remarquer l'énorme sacoche de cuir que portait le sapeur accompagnant le commandant Girard. « Voilà ce qu'il faut avoir, » dit-il, et il prépara aussitôt un moyen d'attaque.